crois vraiment qu'il y a un paradoxe là qui est un petit peu étonnant, mais qui est que les sciences dites sociales ne le sont pas tant que ça en réalité, du point de vue, en tout cas, de la participation ou de la coproduction par le public, alors que les sciences dites expérimentales, qui pourraient avoir tendance à utiliser les citoyens comme des cobayes, sans forcément s'interroger sur le sens qu'ils donnent à leurs actions, etc. Mais en fait, non. En fait, il y a beaucoup d'expériences dans le domaine des sciences de la nature, dans le domaine des sciences expérimentales, dans le domaine de l'astronomie ou de la biologie, mais aussi dans le domaine des mathématiques, où on fait l'hypothèse qu'il y a des savoirs savants qui sont distribués dans la population, et qu'on peut avancer scientifiquement en allant, en les mobilisant. Et ce que j'essayais de dire dans le billet du Monde, c'est que de ce point de vue-là, nous avons un retard. En sciences sociales, nous avons un retard. C'est-à-dire que les expériences que je pouvais citer ou décrire très rapidement en biologie ou en astronomie, je suis en réalité bien en peine d'en mentionner de cette envergure ou de qui ont ce type d'ambition dans les sciences sociales. Ça n'est pas qu'un retard, c'est une résistance ou une réticence. Je pense qu'on peut même, enfin voilà, c'est pas fortuit, c'est pas une question de moyens, c'est bien une question de la façon dont les sciences sociales se conçoivent elles-mêmes et dont les gens qui la font ou qui les font conçoivent leur activité.